les messieurs ok pipi, ça mange et crier. Les mecs, c'est ok pour ce pipi pipi. Au lieu de rentrer, on attend, t'es le gars squatté. Le bac à l'entrée, l'attente fut contente de 4-6, ils sont pointés. Papier, bouilleux, passé. Dis pas qu'ils sont chez toi ou t'as droit à la raclée. Non, non, pas de mais, pas de vas-y, pas de compromis, pas de comprenez. Tu me suis fait pas le compromis. On n'aurait pas dû vous descendre des cocotiers. Ou pousser, tu perds cette bande d'animaux pour qu'à être bosqué. Ta race est sale, une raclure, même pas une moitié. T'emmènes au QG sous les beaux t'as tu cries rapide. Un cache-cache dans une crèche, c'est pas comme s'ils étaient à quatre casés dans une caisse volée. Police, sur ma police, c'est un blagui, donc il peut pas être poli. Serait-ce parce que c'est un CRS que je prends ce risque de traiter ça. Salaud, ça reste en travers de sa gorge, il est pas gros, c'est de coups avec son doufou Toys. Vas-y, frappe, un black par terre, tout cela ravive en moi la flamme du Black Panther. Tout ça pour un pitbull, me contrôle comme une petite pute, c'est vrai qu'on n'est pas habillé boule, c'est débile, me casse les boules, pas de bol. Je tombais sur des cons des balours avec un bel uniforme, les deux uniformes stars qui hush, mais je t'affirme que seul il la ferme. J'ai beau faire la morale, jamais on s'aimera, Mamadou ou Mourad, monte à la tête déguisé comme un moral. On se dispute comme des amoureux. On aime se détester à en mourir les rapports. Je ne dis plus la morue. Moi, je suis le plus fou. Passer du plus fou. Des sales coups. Car t'as fou le premier debout. Tu te défous. Je vole tes sous. Te laisse pas clou. Je suis toujours sous. KFC, connu comme le blanc loup. Je loue. Je passe mes fins d'année sous le bout. Je passe partout. Avec mes roses, je joue sans banjou. Pourquoi? Parce que je suis un babou. Il a un passé flou. Il passe partout. Cause, c'est un babtou. On en parle dans tout le voisinage. Que s'est-il passé de grave dans ma cage? Hier au 6ème étage. Rien un classique. L'affaire a été classée sans suite. Pour du shit j'explique ce qu'on fait les Schmitt. Les sommes banales pour les vieux de la vieille. Spécialisés dans la gamme mais aucun de ne surveille. Hey, le jeune Philippe. Toi disant crème de la crème de l'élite. Mais qui confond son pétard avec sa bite. Comme une envie de pisser frites. Panique les yeux plissés. Attirés sur la mer de l'intéressé. Elle flippé se planquait. Ce mauvais tireur par chance a manqué. Bien sûr les faits diffèrent au procès. Énième bavure. Et énième agent de police qui plaide, non coupable. Yo, j'ai des tonnes de rêves de drive-by, de bâtard. T'as vu des nouveaux styles de bataille, de garde à vue, ouais. Des sales actes et des tas de vibes de la Scarface à leurs abus. Dommage, boy, j'fais pas le poids, ils ont déjà l'Oscar de la bavure. C'est ça la dure, loi de la rue, j'crois pas vu. J'ai pas l'allure adéquate à la longue. Si tu veux, j'te ferai la liste, j'crois que t'as pas dû voir qu'elle était longue. J'tiens ma langue, souhaite juste les revoir à l'angle. Les bras ballants pour qu'on s'arrange, les savaler, les cavaler sur leur phalange. Clic, clic, c'est le bruit d'un back-back lié au noir brillant, violé par spectacle. Ça. C'est le bruit d'un contact, en gros d'un clé au péta, bien taille avec mon pote ça, ça. Direct dans le périphérique, régime au maxi, toujours mon split, ça sexy, toi que les flics rappliquent. 190 au compteur de la mécane scénique des flics. J'accélère, j'entame le gauche-droite. On voit qui le pilote car la flic a écroule parfait. Toujours à mes trousses, les tarmous, les képis, les CRS, les gendarmes, les gendarmettes. Oh ma man, ça s'énerve, me dit tout gentiment et c'est moi, c'est merde. Ok, j'adore ça quand les compatriotes de la ville folle me testent et m'engraînent. Là je deviens sauvage, je brûle les péages. En tête d'un quelconque village, garé le Clio, pack, cavale sur les rails. Avec mon gros sky, bien taille, mes jambes me lâchent et là ça devient dommage. Clic, clic. C'est le bruit des menottes, spectacle se ferait. Yeah! Ça aime tout pas, crew. Franchement, là, on s'en prend plein, plein la tête. Pou, pou, pou, pou, Paris! Eh ouais, franchement, sur l'album X raisons. Alors, il y en a beaucoup de raisons de l'acheter ou en tout cas d'écouter Science ou Paco, c'est clair. Ouais. Et ça, c'est du bon petit français avec les paroles qui sont là dans l'album, vraiment, vraiment bien saccadées, bien comme il faut. Bien rythmées, bien. Ouais. Des paroliers qui ont été justement comparés à Bobby Lapointe ou Brassens, ou en tout cas des bons petits français en ce moment. C'est ce qu'on a juste. Et ben on va rester justement dans la musique française, mm-hmm. avec un groupe un peu plus récent et puis style un petit peu différent qui mêle un peu plus la mais musette, paroles, la guinguette. Dans avec les paroles toujours, c'est ça qui est le dans plus les paroles toujours, ouais, toujours aussi déchiré. Parce que là, on voit qu'il se tape un bon délire. C'est quoi ce titre d'ailleurs? C'est quoi ce titre? C'est Cendrier. Cendrier. Donc on vous parle bien du groupe Java. Pour ouais. Bon, je pense qu'il commence à se faire connaître hein, sur la scène, il tourne pas mal. Ouais. Donc Java, Cendrier, bah voilà, petit conte. Voilà. Petit conte moderne. Pour tous ceux qui sont amateurs du tabac, de la fégitane, ils vont se reconnaître un petit peu et puis se rappeler le conte qu'on a tous entendu, Cendrillon, Cendrier. Il était une fois, il était une fois sur Couleur Croisée, l'histoire de Java. Et Cendrier. Yeah.

l'idole ou encore Odon. Souvent appelé jus de panthère, alcool de palme distillé à 90-100, voire plus degrés. Grosse soirée arrosée. Oui, ancien oignon tol. 1000 neurones carbonisés. Oui, ancien oignon tol. De gros yeux rouges éclats. Thank you.

toutes surprises et après à tout. Music Forever.